Chapitre 12e. À la Maison Verte, on avait d'abord cru Raymond réfugié dans sa chambre, et l'on resta quelque temps sans s'apercevoir de sa disparition. Madame Clotilde avait accaparé Haussmann, et le poussant dans une encoignure, elle tentait un dernier effort pour repêcher ce gendre de ses rêves qui menaçait de se dérober comme une truite qu'on croyait déjà dans la nasse et qui, d'un brusque tour de queue, remonte prestement entre deux eaux. Pour amener Préfontaine, la dame l'employait ses plus subtiles manœuvres et ses plus attirantes amorces. À l'entendre, la résistance de Raymond n'était pas sérieuse. C'était un coup de tête d'enfant gâté taquine, il n'y fallait pas prendre garde, et elle reviendrait elle-même à récipiscence le lendemain. Mais Madame Clotilde avait beau se démener, le poisson ne mordait plus. Haussmann, pensif et méfiant, se tenait sur la réserve. Il hochait la tête, avançait sa lèvre inférieure, faisait craquer ses doigts, croisait et décroisait ses jambes, le tout sans souffler mot. Pourtant, il n'avait pas le courage de s'en aller. Un reste d'affection pour la jeune fille et une secrète peur d'irriter de nouveau Madame la Tremblay le clouaient sur sa chaise. Il se bornait à articuler de vagues monosyllabes, à pousser des soupirs et à lancer des regards de compassion sur Monsieur la Tremblay, que toutes ses émotions avaient anéanti et qui, étendu dans son fauteuil, le menton sur la poitrine et les yeux mi-clos, semblait être tombé en catalepsie. À l'heure du dîner, on chercha vainement Raymonde, sa chambre était vide. Un domestique prétendait l'avoir vue sortir tête nue et l'on finit par se convaincre qu'elle avait effectivement quitté la Maison Verte. « Où peut-elle être allée par une nuit pareille ?» se demandait le pauvre la Tremblay. « Cet enfant me fera mourir. »« Bon, » répliquait Madame Clotilde, déguisant son agacement sous une feinte indifférence. « Elle aura été se cacher chez ses bons amis du village. Elle veut nous inquiéter et se faire chercher. C'est un de ses tours, et vous devriez y être habitué. » Mais les heures se passèrent, et Raymond ne reparut pas. Il ne s'agissait plus d'une simple escapade, et l'inquiétude devint plus sérieuse. Le bon Haussmann, voyant la consternation de ses hôtes, s'était offert pour fouiller le village et les bois environnants. Il sortit avec le petit domestique, frappa vainement à toutes les portes, s'enfonça dans la forêt, hucha en tous sens d'une voix formidable, et revint vers minuit, trempé, crotté, rompu, mais n'ayant pas trouvé trace de la fugitive. La nuit, comme on pense, s'acheva tristement. Préfontaine la passa étendue sur le canapé du salon. Dès le matin, tout le monde fut sur pied. Il avait été convenu qu'on commencerait par s'enquérir de Raymonde à Aubrive et qu'on pousserait même jusqu'à Langres, suivant les indications qu'on recevrait. Madame Clotilde, selon son habitude, rejetait sur Monsieur la Tremblay toute la responsabilité de cet esclandre. C'était, disait-elle, son défaut d'énergie qui encourageait Raymonde à de semblables fredaines. Cet enfant avait une mauvaise nature et il était nécessaire de la remettre au joug. On avait eu tort de la faire sortir de pension, mais patience, elle lui apprendrait à vivre, et un bon couvent bien muré aurait raison de ses incartades. À travers ses récriminations, elle achevait sa toilette à la hâte, passant chaque instant du salon dans une pièce voisine, d'où on l'entendait ouvrir et fermer violemment les tiroirs, tout en poursuivant ses menaces à l'adresse de Raymonde. Sur ces entrefaites, le petit domestique annonça qu'un homme demandait à parler à Monsieur la Tremblay. Avant que ce dernier eût desserré les lèvres pour répondre, la porte du salon se rouvrit et M. Noël, vêtu de sa redingote verte, guettré jusqu'aux genoux, s'avança d'un pas nerveux. Il dévisagea au passage Haussmann de Préfontaine et vint se planter en face de M. la Tremblay. Le salon était mal éclairé. Le père de Raymonde, qui avait la vue faible, clignait des yeux et cherchait à reconnaître ce visiteur dont la figure étrange et le regard fixe lui semblaient inquiétants. « Que désirez-vous, monsieur ? » demanda-t-il enfin. « Vous parlez de mademoiselle Raymonde, » répondit l'autre d'un ton bref. « Il ne lui est rien arrivé, n'est-ce pas ? » balbutia la Tremblay. « Où est-elle ? Chez moi. »« Où ça, chez vous ? » criait de sa chambre madame Clotilde, qui avait entendu et qui accourait. Mais quand elle eut soulevé la portière et examiné le nouveau venu, elle pâlit et poussa une sourde exclamation. « Ah ah ! » dit le vieux professeur en se retournant vers elle. « Vous avez meilleure mémoire que lui. Et vous avez reconnu Noël Heurtevent ?»« Heurtevent ?» murmura la Tremblay, dont les lèvres étaient devenues blanches et dont les mains se crispèrent sur les bras du fauteuil. Haussmann écarquillait les yeux et regardait alternativement les acteurs de cette scène. Prompte comme l'éclair, Madame Clotilde s'approcha du jeune homme et lui chuchota deux mots à l'oreille. Préfontaine comprit qu'il était de trop et se hâta de s'esquiver. Quand la porte se fut refermée sur lui, M. Noël Heurtevent s'avança vers la Tremblay, qui semblait paralysée par la terreur. « Vous ne vous attendiez pas à me retrouver dans ce pays perdu, » dit-il, « et vous comptiez bien être débarrassé à tout jamais du mari gênant dont vous aviez pris la femme. C'est un de ces hasards qui ferait presque croire à une providence, n'est-ce pas ?»« Que voulez-vous ?» articula enfin la Tremblay. « Qu'exigez-vous ? » ?»« Oui, oui, » ajouta Mme Clotilde, qui avait la première retrouver son sang-froid et qui essayait de payer d'audace. « Que voulez-vous ? » ?»« Après être resté muet pendant 20 ans, je ne suppose pas que vous ayez l'intention de vous livrer à de sottes récriminations. Il y a prescription, mon cher. » riposta M. Noël, sans daigner la regarder. « Vous pourriez vous tromper. Si mal agencée que soit la société, il y a toujours une heure où elle rattrape ses droits et se venge. Vous le voyez bien puisque je suis ici. Vous voulez me forcer à retourner chez vous ? Allons donc ! » s'exclama-t-elle en haussant les épaules. « Rassurez-vous, » répliqua-t-il vertement. « Il y a 6 semaines que je connais votre présence dans le pays et je n'ai pas bougé. Non. Monsieur vous a prise, qu'il vous garde. Il ne s'agit ni de vous ni de moi. Dieu merci. De quoi s'agit-il alors ? De votre fille. Raymonde ? Oui. Je viens simplement vous demander de consentir à son mariage avec Antoine Verdier. » Monsieur la Tremblay s'agitait pour parler, mais Madame Clotilde ne lui en laissa pas le temps. Jamais ! S'écria-t-elle avec violence. J'ai marre mieux la jeter à l'eau que de la donner à ce vagabond. Jamais, entendez-vous ? Ce mariage se fera pourtant. Malgré moi ? Malgré vous. C'est ce que nous verrons. Raymonde est mineure, et elle m'appartient. Savoir ? Elle est ma fille, et je la ferai bien céder. Vous voulez dire notre fille ? Répondit-il gravement, et comme elle le regardait d'un air stupéfait. À chacun son tour, reprit-il. Je vous aimais, et vous m'avez abandonné. Je me fie à vous, et vous m'avez trompé. Vous avez vécu 20 ans tranquille avec votre amant, tandis que je me morfondais seul dans mon trou et que j'étais ridicule par-dessus le marché. Aujourd'hui, non content d'avoir gâté ma vie, vous vous attaquez au bonheur du seul être qui me soit cher, d'Antoine, mon enfant adoptif. Vous lui refusez Raymonde qu'il adore, et après m'avoir fait souffrir comme un réprouvé, vous voulez le rendre misérable à son tour. Halte là, je reprends mes armes, la loi est pour moi, j'en use. L'enfant né pendant le mariage a pour père le mari. Or, notre mariage n'a pas été dissous. Raymonde est ma fille, je la prends, je l'emmène, je la marie à qui bon me semble, entendez-vous ? Du même coup, je me venge et je fais 2 heureux. Vous voyez bien que vous vous trompiez et qu'il n'y a pas prescription, ma chère. Pendant un moment, Madame Clotilde resta étourdie de ce coup droit auquel elle ne s'attendait pas. Mais s'il plia tout d'abord, elle n'en regimba que plus violemment après avoir reçu en pleine figure le dernier sarcasme de Noël Heurtevent. « Eh bien !» répliqua-t-elle furibonde. « Je me laisserai traîner devant les tribunaux, et mon avocat vous drapera de la belle façon. Vous voulez du scandale ? Vous en aurez. »« Le scandale retombera sur vous. Dans l'intérêt de votre fille et d'Antoine, je désirais ne pas ébruiter cette affaire. Mais vous préférez laver votre linge sale sur la place publique ? Je préfère tout à l'humiliation de vous obéir. Vous avez été mauvaise épouse. Vous êtes mauvaise mère. Cela ne m'étonne pas. Je suis ce que je suis. » s'écria-t-elle enragée. « Mais vous, vous êtes chez moi, et vous l'oubliez, sortez !» Au moment où, d'un geste irrité, elle montrait la porte, son bras fut saisi par une main frémissante. Et la Tremblay se dressa près d'elle. Il était très pâle, mais ses traits altérés exprimaient à la fois la fierté indignée et le dégoût. Il y avait presque de l'énergie dans ses yeux brillants. « Restez, monsieur, » dit-il d'une voix ferme, « vous êtes ici, chez moi. » Il écarta rudement Madame Clotilde, qui alla choir dans un fauteuil. Elle se sentait vaincue, et comme la plupart des femmes qui sont à bout d'arguments, sa rage nerveuse se termina par une crise de larmes. « Vous avez raison, » reprit la Tremblay, sans se préoccuper des sanglots de la dame. « Raymond doit ignorer toute cette honte. C'est à ceux qui ont commis la faute à en supporter le poids. Qu'exigez-vous ? Votre consentement par acte en forme au mariage de Mademoiselle Raymonde avec Antoine, » répondit M. Noël. « Je vous attendrai à midi chez le notaire d'Aubrive. » Nous y serons. Vous viendrez ensuite reprendre la jeune fille qui est chez moi. Les publications auront lieu immédiatement et le mariage devra suivre dans le plus court délai. Je suppose que vos précautions sont prises et que vous êtes arrangé pour que tout marche sans encombre ?»« Oui, » murmura la Tremblay, « je suis prêt à vous remettre la dot que je constituerai à Raymond. » »« C'est inutile, » riposta fièrement M. Noël. « Nous ne voulons pas de votre argent. Nous n'en voulons pas. » répéta-t-il impérieusement en voyant que la Tremblay essayait d'insister. Celui-ci courba la tête. « Est-ce tout ? » balbutia-t-il. « Non, » reprit M. Noël impitoyablement. « Aussitôt après le mariage, les deux jeunes gens iront s'installer à Paris. Raymond va commencer une nouvelle vie, et il faut qu'elle se détache complètement du milieu dans lequel elle a vécu jusqu'ici. » M. La Tremblay comprit, et ses yeux s'emplirent de larmes. « Vous êtes cruel, monsieur, » répondit-il, « mais je me résigne. Convenez que si j'étais coupable, je suis rudement puni. » Il alla se rasseoir, accablé, songeant avec terreur à l'existence qui l'attendait après le départ de Raymond. Le vieux professeur considéra un moment Madame Clotilde, qui suffoquait dans son fauteuil et la Tremblay affaissée sur une chaise. Oui, Noël Hurtevent était bien vengé, et la punition était complète. Il se couvrit de son feutre recroquevillé, boutonna sa redingote. « À midi !» répéta-t-il à la Tremblay, et il sortit. Il traversa lentement l'allée des tilleuls, satisfait de sa matinée, mais grave et presque mélancolique. La pluie avait cessé. Un rayon de soleil argentait les feuillages déjà plus clairsemés, et le vent faisait rouler sur le chemin de petits tourbillons de feuilles jaunies. M. Noël hâta le pas, et il apercevait déjà le calvaire qui s'élève à la bifurcation des routes de la Margelle et d'Auberive, quand un spectacle inattendu attira son attention. Le lourd cabriolet de M. de Préfontaine venait d'atteindre le sommet de la rampe, et Haussmann, après l'avoir gravi à pied à côté de son cheval Pie, était remonté sur le siège et avait fouetté sa bête. Celle-ci, lasse sans doute des efforts de la montée, jugea à propos de recommencer le manège qui lui était familier. Elle se rua sous le fouet et se coucha bellement dans le sable du chemin. Haussmann descendit, fouilla dans sa veste, mais il eut beau retourner les poches. Les événements qui s'étaient succédés depuis la veille lui avaient fait oublier son morceau de sucre et Pigeot, ne voyant rien venir, s'obstinait à rester vautré entre les brancards. Le triste Préfontaine, accablé de toute façon par la mauvaise fortune, se résigna de guerre lasse à attendre le bon plaisir de Pigeot et alla s'asseoir piteusement sur un tas de pierres en face de son équipage. C'est dans cette posture qu'il fut rejoint par M. Noël. « Est-ce que votre cheval est blessé ?» demanda le bonhomme. « Non, non, » dit le géant. « C'est une habitude qu'il a de temps à autre. La montée l'a fatigué. Pigeot est une bonne bête, monsieur, mais il a le garrot sensible. » Et il expliqua ingénument les boutades de son cheval ainsi que la méthode qu'il employait pour l'entraîner. « Du sucre !» s'écria le vieux professeur. « Vous ne savez pas vous y prendre avec les bêtes capricieuses, et je ne vous conseille pas de vous marier. Montez sur votre siège, je vais vous donner un coup de main. » Il alla cueillir une belle houssine de coudrier dans un buisson, releva vertement Pigeot, qui ne s'attendait guère à ce changement de méthode, et le fit trotter gaillardement sur la route. « Voilà comment on s'y prend !» cria-t-il après Fontaine. « Merci, monsieur !» répondit Haussmann, puis, rougissant, tandis que le vieillard continuait à conduire le cheval par la bride. « Je voudrais, » hasarda-t-il, « vous demander une chose. Vous avez vu Mademoiselle Raymonde ? Il ne lui est rien arrivé de fâcheux, n'est-ce pas ? Elle se porte à merveille, » repartit M. Noël. « Et croyez-vous qu'elle épouse M. Verdier ? Parbleu ! » grogna le bonhomme. « Puisqu'ils se sont mis en tête de s'adorer, il faut bien qu'on les marie. » Haussmann poussa un long soupir. « Monsieur, » reprit-il, « vous allez la revoir. Dites-lui bien que je ne lui en veux pas et que... je souhaite qu'elle soit plus heureuse que moi. » Il appliqua un coup de fouet à Pigeot et le cabriolet fila sur la route de la Margelle. « Brave garçon, tout de même, » grommela M. Noël. « Décidément, les hommes valent mieux que les femmes. » Le mariage d'Antoine et de Raymond eut lieu 15 jours après dans les conditions imposées par M. Noël. Les La Tremblay quittèrent la maison verte et un mois plus tard, un écriteau attaché à la grille annonça que la propriété était à vendre. Jusqu'à présent, il ne s'est pas présenté d'amateur et elle reste inhabitée. Les deux jeunes gens vivent à Paris et passent leurs vacances dans la maison de Sorette. Quant à Madame Clotilde et à son compagnon, ils ont repris leur vie nomade à travers les stations thermales et les villes de jeu. Depuis qu'il est séparé de sa fille, le malheureux La Tremblay n'est plus reconnaissable. Sa maladie nerveuse a empiré et il n'aura plus longtemps à traîner la chaîne à laquelle il est rivé. Selon la prédiction du berger Trinquès, Haussmann de Préfontaine est resté garçon. Il voisine fréquemment avec M. Noël, qu'il a pris en affection. Vagabonde et Pigeot sont devenus une paire d'amis. L'automne dernier, je les ai rencontrés tous quatre à la lisière d'un bois. M. Noël venait de ramasser un cèpre bondi et appétissant, et il essayait d'inculquer à Haussmann son amour pour les cryptogames. « Admirable végétal !» lui disait-il. « Il a toutes les vertus, même celles de se passer de femme et d'ignorer les ennuis du mariage. Il se reproduit de lui-même comme le phénix. Ôtez votre chapeau, mon camarade, et saluez le modèle des célibataires. » Ainsi s'achève Raymonde par André Theuriet.